S non petit, 3-8-0 paradoxe, ROS petit. Eh, ya, ok, ya, ya, ya, ya, ya. Nos vies sont complexes, on agit sans qu'on se teste, constate qu'on gère. Nos vies sont complexes, on agit sans qu'on se teste, constate qu'on gère. Nos pires pommes, nos vies sont complexes, on agit sans qu'on se teste, constate qu'on gère. S non petit, 3-8-0 paradoxe, ROS petit. Eh, ya, ok, ya, ya, ya, ya, ya. Nos vies sont complexes, on agit sans qu'on se teste. Constate qu'on gère, conspire pendant que c'est qu'on se baisse. J'ai fait du mal et parfois je le regrette. À tort ou à raison, lâche un dernier cri d'alerte. La tristesse au fond du cœur qui nous rend si humains. À tort ou à raison, j'ai dû noyer ce chagrin. Les années sont corrosives, m'ont laissé trop de marques. Parfois je suis dépressif comme un reporter en Irak. Où tu veux, on ira. Le monde est trop vaste, l'avenir est trop vague. Et c'est très vite le trou noir. Les exemples s'accumulent dans chacune de nos vies. Des rêves qui se brisent comme un pavé dans une vitrine. Tous les jours on fait des choix, ferme certaines portes. Nous tombons parfois les lois pour obtenir ce qui rapporte. À tort ou à raison, on agit comme des animaux. Mais c'est la jungle ici et tout n'est pas si rose. Tout nous pousse à fuir mais les opposés s'attirent. Alors on reste là, rêvant un jour de partir. Je trouve le temps trop long, à tort ou à raison. Le temps qui nous sépare d'une vie paisible en pavillon. Je sais que les erreurs sont parfois trop lourdes à porter. Dur à accepter comme un divorce ou un décès. Parce qu'il n'y aura jamais que des bonnes nouvelles. À tort ou à raison, je préfère exprimer mes peines. Je préfère rester simple, être ce que j'ai toujours été. Un mec droit, sur qui on peut compter. J'ai plus confiance en grand monde, sur mes poids. J'ai beau compter, j'ai beau chercher, je me demande à quoi ça sert, refrain. À croire que c'est toujours le même refrain. À quoi ça sert, si on fait tout ça pour rien. On agit, à tort ou à raison, sans savoir pourquoi et on en perd la raison. À tort ou à raison, sans se poser de questions. Agir sans comprendre l'impact de nos actions. À tort ou à raison, à notre horizon. À tort ou à raison, sans se poser de questions. Agir sans comprendre l'impact de nos actions. À tort ou à raison, nous rêvons à notre horizon. Les questions se posent en moi et les choses se présentent mal. Pour justifier mes choix debout derrière le présentoir. Mise en garde des décisions hâtivement prises. Le mal se fait actif mais ce dernier a vite de l'emprise. A tort ou à raison, je l'écoute et puis je l'ignore. A tort ou à raison, des fois tranquille, des fois ignoble. Aussi fait pas faire les mauvais choix. Attiré par le mal noir, je décris mes mauvais soirs. Moi, soit dans le faux, soit dans le vrai. Matin, moi je crois les points sont manœuvrés. Grave, froid sont les cœurs dans les carquois. Écarte vite ta carcasse mais surtout ne t'égare pas. Garde ça comme tu l'avais à l'origine. A tort ou à raison, calme ou incorrigible. Garde ça comme un trésor car la vie se corse. Tes rêves les disloquent et puis sèment la discorde. Vite sort de l'engrenage, des messes, des grenailles. Reste increvable utilisant des rimes comme grenades. Fais pas le crevoir si t'en as pas besoin. Mais fusille avec ta voix surtout si tu viens de loin. Les lois, on les contourne pour le bien pour le mal. Ça tourne mal tout pour le rap donc fait tourner mal. Chacun ses choix, on fait ce qu'on a à faire. L'expérience est imparfaite et le vécu doit se parfaire. Parfait, on dit que ça fait quand on a le fer. Quand on évite le parquet, que les emmerdes finissent par terre. Mais c'est pas fait, quand on arrive laisser passer. Les erreurs sont au passé, on vient pas faire les empapés. On avance sans se poser de questions. En tirant les leçons, décrivant nos vies dans le son. Dans les anges, ne critique pas nos ombres sombres. A tort ou à raison, j'ai préféré traîner dans l'ombre. A tort ou à raison, sans se poser de questions. Agir sans comprendre l'impact de nos actions. A tort ou à raison, nous rêvons à notre horizon. À tort ou à raison, sans se poser de questions. Agir sans comprendre l'impact de nos actions. À tort ou à raison, nous rêvons à notre horizon. Pas,